19h39, activation orale, naturellement, malheureusement, heureusement, énormément. Répondez selon les exemples. Alors, premier exemple, vous entendez. 1. Est-ce qu'on fait du français dans les écoles françaises? Vous répondez. Oui, naturellement. Deuxième exemple, vous entendez. Vous étiez nul en maths? Et vous répondez. Ben oui, malheureusement. Troisième exemple, vous entendez. Vous étiez bonne en maths? Et vous répondez. Ah oui, heureusement. Quatrième exemple, vous entendez. Vous avez beaucoup d'amis? Et vous répondez. Oh oui, énormément. Alors, essayons. 5. Est-ce qu'on fait de l'anglais dans les écoles anglaises? Ben oui, naturellement. 6. Est-ce qu'on parle chinois en Chine? Ben oui, naturellement. 7. Oh, vous avez raté votre bac? Eh oui, malheureusement. 8. Vous étiez nul en chimie? Oui, malheureusement. 9. Mais la chimie était obligatoire. Eh oui, malheureusement. 10. Vous étiez bonne en français? Oui, heureusement. 11. Vous avez réussi à votre examen? Oui, heureusement. 12. Vous avez eu votre bac? Oui, heureusement. 13. Vous avez beaucoup travaillé? Oh oui, énormément. 14. Il y a beaucoup de travail au lycée? Oh oui, énormément. 15. On étudie beaucoup de matières au lycée? Oh oui, énormément.